بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فبنعمة الله سبحانه وتعالى وفضله علينا أن يسهر لنا الدراسة في الأصول الستة للإمام المجدد إمام الدعوة محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, Azza wa Jal, wa bini'amatihi, on va poursuivre dans la silsila, dans la série de cours dans At-Tawhid. Et aujourd'hui, ce sera le kitab Al-Usul al-Sitta de l'imam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala. En espérant qu'Allah Azza wa Jal yaj'al fihi al-khayr wal-baraka wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Qu'Allah Azza wa Jal nous mette de ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la mettent en pratique. فهذا الكتاب c'est un kitab inshallah tabaraka wa ta'ala kadhalika comme on étudie dans les débuts dans Tawhid. Dans ce kitab là l'imam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala il va évoquer ces fondements qui sont muhimma wa azima, des fondements dont يعني خالف في ذلك اهل عصره, les gens de son à son époque en ayant délaissé ce fondement là tout en prétendant que c'est des ou en prétendant يعني l'inverse de la compréhension qu'il devait avoir dans ces fondements là tout en prétendant que c'était des gens de science, et malgré cela, ils ignoraient ces fondements-là qui sont wadih jiddan, comme on va le voir, inshallah, comme on a pu le voir avec le usul, on a pu voir que c'était des choses dont les adillas sont wadiha fi dhalika. Il n'y a pas besoin de grande interprétation, il n'y a pas besoin de grande explication par rapport à cela, comme il va l'expliquer, rahimahullah ta'ala, même les awam, les gens de la masse, ils peuvent se permettre de comprendre ces fondements-là sans pour autant s'élargir dans la compréhension de ces fondements-là. Ce sont des fondements qui sont simples. Et malgré cela, ces gens sont tombés fil moukha à la fin. Là, il y en a qui sont vraiment importants parce que ça fait partie de la nawaqid de l'islam. Et il y en a qui font partie des usul, il y en a usul al-sunnah, man khalafaha faqad kharaja min as-sunnah. Enfin, les usul qu'il évoquera, ce sont des usul al-din. Certains font sortir l'islam si jamais ils le délaissent, et certains ne font pas sortir l'islam. Il a voulu les évoquer, comme on a pu voir un peu dans Al-Nawaqid al-Islam, parce que les gens sont tombés dedans. La plupart des gens dans son époque sont tombés yani, dans l'inverse de ces fondements-là, tout en prétendant la science ou al-ma'rifa. Fa katabahu wa rahimahullahu ta'ala hada al-kitab, nasihatan li ahli asrihi, afin de faire un conseil, afin que ce soit un conseil pour les gens de son époque, et aussi, wallahu alam, pour les gens qui vont suivre. فكتب هذه الرسالة من باب النصيحة. إساس من باب الدعوة إلى الله عز وجل وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. Lorsqu'il voit ses frères, يعني tomber dans l'égarement, dans l'erreur, il se doit de les guider. Et quel que soit l'intermédiaire, que ce soit directement, يعني à l'oral, que ce soit par l'écrit, par tout intermédiaire qui permet de pouvoir transmettre la science et transmettre la nasiha, afin que les gens ils puissent يعني le vrai, et surtout qu'à quel que soit une hujja. Que soit une hujja pour ces personnes-là. Il leur a comment s'appelle il parle d'alika laqad qama bil wajib, c'est-à-dire que si jamais les gens n'acceptent pas, au pire des cas, alhamdulillah, il a transmis le message d'Allah ya azza wa jalla. Fa al-insan si jamais il fait une nasiha, fi al-haqiqa, il faut qu'il patiente dans le sens où quoi qu'il en soit, que les gens ils acceptent ou pas son conseil, lui il a la khair. Si jamais il accepte, alhamdulillah, il aura la récompense de celui qui aura mis en application. Et si jamais il n'accepte pas, eh ben il aura la récompense de celui qui aura yani aqam al-hujja, qui aura transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa, quoi qu'il en soit, il a qama bil wajib. Il a fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Donc ça nous rajoute de la patience yani dans le nusr wa da'wa ila Allah azza wa jal. Il faut que lorsque on appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se dise aqal shay aqum bil wajib amtasil bil wajib, je réponds à l'appel d'Allah ya azza wa jal, dans le fait de transmettre le message d'Allah ya azza wa jal, fait qu'on accepte ou on n'accepte pas, ça revient à Allah azza wa jal, comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala wa inna alayna inma alayka al balagh wa alayna al hisab. Il te revient à toi de transmettre et à nous de juger et de récompenser en bien ou en mal. Donc l'insan lorsqu'il sait cela yasbir, ça lui permet de beaucoup persévérer yani fi da'wa ila Allah azza wa jal, par rapport au fait que beaucoup de gens yani fi al-haqiqa ils sont un peu amenés à comment ça s'appelle, accepter à nous. Mahamakan, c'est que du khair. Mahamakan, c'est que du khair. Si jamais ils n'acceptent pas aujourd'hui, peut-être demain. Et c'est pour ça que c'est bien de faire aussi, parce qu'aujourd'hui, peut-être, ils n'acceptent pas, lakin, demain, d'autres personnes vont venir avec des cœurs qui sont tahir, ils vont accepter ton message. Comme c'est le cas ici, peut-être qu'ils n'ont pas accepté son message, yani, comme on peut le voir, parce que certains, ils ont prétendu que c'était une personne qui faisait sortir les gens d'islam, alors qu'il n'a fait que de transmettre et de juger de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé. Et donc, yani, Allah Alam, on ressent que à travers sa biographie, à travers ses épîtres et ses livres, tu ressens qu'il y avait une adversité. Les gens qui sont en face, même Hatta Kham Abil Jihad, c'est-à-dire qu'il a combattu les gens de son époque parce qu'ils étaient sortis de l'islam. Donc ça veut dire qu'ils ont délaissé, ou plutôt ils ont rejeté le message al-Risala comme Kufar al-Quraish. Donc avec cela, il a fait deux sortes de jihad. Le jihad avec la main, avec les armes, et le jihad kadalika, al-Adhi ou al-Bayan. الذي هو البيان ففي الحقيقة الحمد لله il a يعني قد قام بجهد يعني كبير si on voit on regarde un peu parce que il a purifié Al-Jazeera Al-Arabiya du shirk par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et كذلك il a laissé ce message là pour les générations à venir et كذلك les gens sur l'époque qui étaient avec eux يعني على التوحيد فالبيان والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله de deux manières le plus grand des jihad c'est celui-là parce que c'est celui-là qui reste c'est-à-dire jihad al-bayan amal jihad fi sabilillah c'est-à-dire le combat t'as c'est un mois deux mois avec ton ennemi et ensuite il y a ça se finit amma hada c'est continuellement et il y a des gens qui viennent derrière et c'est un nasiha pour ceux qui viennent derrière pour les générations à venir là ça entre nous et lui il y a presque cinq siècles qui se sont passés et malgré cela les gens profitent énormément de sa science فالدعوة إلى الله عز وجل c'est important de laisser des traces surtout des écrits comme les épîtres de Cheikh Mohammed Ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala et parmi cela Ar-Risala al-Usul al-Sitta qui est vraiment Ar-Risala qui est Muhim al-Jidda qui est rempli de khair et de fawaid de choses qui sont profitables فإنشاءاللہ تبارك و تعالى سائلن الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بهذه الرسالة وبالعمل بها والدعوة إلى الله يعني إلى مقتضى هذه الرسالة فإن شاء الله نقمص سترسال على أضمون الله عز وجل العون والبركة قال رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذه سنة عادة دي مصنفين سي إن أبتد دي مصنفين دي كمسي بار البسملة لفي دي كمسي بار البسملة سنة أبتد دي مصنفين الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اللي يبوكي دون فتح que المصنفون ceux qui écrivent ils sont tous متفق que c'est مستحب c'est bien de commencer par le basmala lorsqu'on veut dans les choses qui sont muhim dans les choses qui sont importantes de commencer par la basmala parce qu'il y a beaucoup de fawaïd par rapport à cela la première des faïdas c'est que al-insan lorsqu'il commence par la basmala commence son livre comme Allah azza wa jalla l'a commencé Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé son livre bil basmala bismillahi ar-rahman ar-rahim et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le meilleur des livres donc si on peut prendre exemple dans la manière d'écrire, c'est un khair, yani de suivre cet exemple-là qui est Kitab Allah Azza wa Jalla dans l'écriture, de commencer parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a commencé. Comme c'est le cas avec Al-Basmala. Faqala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim al-Fatiha ila akhirih. Wa kadhalika nabiyuhu salawatullahi wa salamu alayhi lorsqu'il a écrit à Hiraq, Hazim al-Rum, faqala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim min Muhammad ibn Abdullah ila Hiraq, Hazim al-Rum, wa al-Hadith ila fi sahihain Bukhari wa Muslim al-Hadith abu Sufyan. Avant le combat, on doit commencer à Walen par transmettre le message, car il se peut que ces personnes-là acceptent. C'est pour montrer que le djihad fi sabilillah, c'est pas comment s'appelle une raya. C'est pas l'objectif voulu. Lakin, c'est un intermédiaire qui nous permet d'arriver à un objectif, qui est quoi? De purifier les cœurs ou bien les terres. Purifier les cœurs ou bien les terres, yani de du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Wa qatiluhum hatta la yakuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de fitna, c'est-à-dire shirk. Mais avant cela, comme il est venu dans le hadith, la personne se doit de transmettre le message. S'il voit que cette personne-là n'a pas accepté le message, s'il fait partie d'ahl al-kitab, fa yad'uhu ila al-jizya. Si jamais c'est pas le cas, dans ce cas-là, yani qu'il m'a déjà fait le hadith, fasta'in billah wa qatil, yani prends l'aide auprès d'Allah azza wa jalla et combat. Al-jihad fi sabilillah, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire pour cela. Bada bidhalika Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à l'islam Et il a commencé cette risala qui lui a été envoyée par le basmala. Donc ils disent les ulama, ça fait partie de la sunna. An-Nabi sallam, lorsqu'il écrivait, dans les risales qui sont importantes, il commençait par le basmala. Donc ça aussi, kadalika, ça a ajouté parmi les khawaïd, lorsqu'on commence bil basmala, c'est-à-dire on fait, par cela, on suit le prophète. On a un bon exemple à travers la sunna du prophète. Et ça, c'est le plus important. Parce que Alba dans Bismillah, c'est bimarna l'istirana. Astarin. Alba fait al-lugha al-arabiya, elle a ma'ani kathira, elle a plusieurs sens. Et ce qui évolue ici, c'est l'istirana. Dans Bismillah, rahman rahim, bimarna astarin. Astarin natiqan. Ismallah ya azawajal. Je prends l'aide, j'implore l'aide. Auprès d'Allah ya azawajal, en prononçant le nom d'Allah ya azawajal, Allah ar-Rahman ar-Rahim. Le nom d'Allah azawajal, Allah ar-Rahman ar-Rahim. Enfin, la plus grande faïda dans cela, lorsqu'on commence par le basmala, c'est le fait de demander l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est, c'est la chose la plus importante. La plus importante des choses, et la plus importante des du'a que doit demander à une sainte, c'est de demander l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Le Cheikh d'Islam, rahimahullah ta'ala, comme l'a évoqué Ibn Qayyim, alayhi rahmatullah, fima adhkurna al-madarij, au pire des cas, je te donnerai le masdar ghadan, inshallah. Il a évoqué que le Cheikh d'Islam, rahimahullah ta'ala, il a recherché, yani à travers Kitab Allah Azza wa Jal, quelle était la plus grande des du'a. Quel était le plus grand des du'a qu'il peut faire à une sainte. Faqala fa wajadtuhu fil al-fatiha, wa huwa qul subhanahu wa ta'ala, إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين, c'est-à-dire demander l'aide auprès d'Allah عز وجل. إياك نعبد, c'est toi seul qu'on adore. وإياك نستعين, et c'est de toi seul qu'on implore l'aide. فقال العلماء لا سبيل لتحقيق إياك نعبد إلا بإياك نستعين. La personne ne peut pas appliquer إياك نعبد d'adorer Allah عز وجل uniquement, excepté si jamais Allah عز وجل lui donne l'aide. كما قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. On peut faire une chose que si jamais Allah سبحانه وتعالى l'a décrété et qu'Allah سبحانه وتعالى a la volonté que l'on fasse. Sinon c'est pas possible. Donc يعني lorsque la personne commence ses cours ou bien commence à écrire une chose et elle écrit le basmala, il prend l'aide auprès d'Allah parce que l'épître qu'il est en train d'écrire, il ne peut l'écrire que si jamais Allah سبحانه وتعالى l'a décrété et le veut. Donc il prend l'aide auprès d'Allah عز وجل. Tout ça pour revenir à la parole d'Allah عز وجل, la hawla wa la quwwata illa billah. On n'a pas de puissance et ni de force excepté si jamais Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne. Donc l'insan par rapport à ça, la yartakin ala, il se repose pas sur ses acquis. C'est pas ses acquis qui le permettent d'écrire ceci cela. Lakin c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui permet de pouvoir faire ces choses là avec les acquis qu'il lui a donné. Donc ça nous appelle à revenir au tawadu et à savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite les choses. Lorsqu'il écrit, il sait que là c'est par la facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est en train d'écrire ces choses-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'aide par rapport à cela, parce qu'il ne peut entreprendre ou bien terminer une chose si jamais Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si Allah lui donne la force par rapport à cela, il lui donne le tawfiq, la réussite. Enfin, c'est important de commencer par le basmala, même si jamais c'est mustahab, c'est-à-dire que c'est pas une obligation. La kin, c'est une chose qu'on ne doit pas délaisser, parce qu'il y a l'aide, on demande l'aide auprès d'Allah et Azawajal. Donc celui qui demande bil basmala, il commence par ça. Bil basmala, c'est une dua, fil haqiqa. Il demande l'aide auprès d'Allah et Azawajal, c'est une dua, pour qu'Allah lui donne la facilité et la réussite dans ce qu'il entreprend. Donc si jamais il a commencé sans le basmala, il se peut que son livre va être rempli d'erreurs, ou bien de contradictions. Il ne va pas lui donner le barakah, l'effet qu'il en écrit. Donc c'est important de commencer par le basmala. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Naham. Fa wa amal lafzul jalal, c'est ma'loum. Allah, bima'na dhu al-uluhiyya wal-ubudiyya al-nasi ajma'in. Ar-Rahman ay alladhi wa muttasif bil-Rahma al-wasi'a. C'est celui qui est qualifié par la Rahma qui est wasi'a. Rahma yarhamu biha subhanahu wa ta'ala man fil ard wa man fil sama. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fil sama. Allah Azza wa Jal fait rahma à ceux qui font rahma. Il dit faites-moi rahma à ceux qui sont sur yani terre, et Allah Azza wa Jal ar-Rahman va vous faire rahma, va vous donner rahma. Naham. Fait ar-Rahman, c'est une rahma qui est wasi'a, comme dans le hadith inna lillahi miyata rahma anzala miha rahmatan wahida fabidhalika yata rahamun. Allah Azza wa Jal, il a 100 rahma et il a descendu une parmi les 100 rahmas fi al-ard, il en a fait de dunya, et il en a réservé 99 les mu'minin ayyam al-qiyamah comme a dit le hadith. Il y a un musulman, je pense qu'il est même muttafaq alayhi, mais il y a un musulman, l'Allah il met à rahma. Ar-Rahman c'est un rahma qui est wasi'a, qui touche les kuffars comme les mu'min, les hayawan ou bien yani les humains, yani ça touche l'humanité intégralement. Ar-Rahim هو المتصف كذلك برحمة لكن برحمة كما قال العلماء الرحمة الواصلة الرحمن أي المتصف برحمة الواسعة la rahma qui est grande en intégralité pour le mu'min et غير المؤمن والرحيم c'est celui qui est متصف برحمة الواصلة c'est-à-dire la rahma qui est spécifiée dans un nombre de ben Adam qui sont les mu'min كما قال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما c'est-à-dire qu'il est rahim seulement avec les mu'mines. En conformité avec le hadith, anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qu'al inna lillahi miyata rahma anzala minha rahmatan wahida bayna al-jinn wal-ins wal-baha'im wal-hawam fabiha yata'atafuna wabiha yata'rahamuna wabiha ta'atifu al-wahsh ala waladiha wa akhara allahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarham biha ibadahu yawm al-qiyamah. Le hadith dans le sahih, le recueil de l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, barraqm 2752, le 19e hadith de ce bab-là. Parce que l'imam muslim, rahimahullah, dans le sahih muslim, il y a deux numérotations. Il y a une numérotation par rapport au kitab, mesdames, kitab al-iman. Il va dire, mesdames, ça c'est le 19e hadith du kitab al-iman. Et il a une deuxième numérotation qui est, comme cela, mesdames, 2752, c'est-à-dire par rapport au livre. C'est-à-dire ça va être le 2752e hadith du kitab de muslim. Faqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna lillahi miyata rahma, Allah azza wa jal possède 100 rahma, anzala minha rahmatan wahida, et il en a descendu parmi ces 100 rahma, il en a descendu une, bayna al-jinn wal-ins, entre les djinn wal-ins, wal-bahaim wal-hawam, al-bahaim c'est-à-dire les bovins et l'akhirihi, wal-hawam c'est-à-dire les hacharat, ceux qui se trouvent à la, yani fil ard. قال فبها يتعاطفون par cette rahma là qu'il a descendu dans في الأرض يتعاطفون c'est-à-dire que بمعنى يتراحمون قال وبها تعطف الوحش على ولدها avec cette rahma là même l'animal qui est sauvage il va faire une rahma à son enfant le lion مثلا c'est un animal qui est sauvage le lion il est sauvage لكن avec ses enfants, fiha rahma. D'où vient cette rahma-là alors qu'on le trouve, on trouve que cet animal-là, il est féroce, il est wahsh et l'akhiri. D'où vient cette rahma-là, malgré qu'il est sauvage, c'est de cette rahma-là qui est Allah subhanahu wa ta'ala a descendu et qui touche yani l'alamin. Qala fil akhir, qala wa akhara tis'an wa tis'ina rahma. Et il a gardé 99 rahma, yarham biha ibadahu yawm al-qiyamah. Et il va faire miséricorde à ses ibad yawm al-qiyamah. C'est-à-dire que si jamais on regarde bien, juste avec une rahma, on peut voir yani le khair qu'il y a dans certaines personnes, la clémence qu'il y a envers certaines personnes, et c'est qu'une rahma, c'est-à-dire qui a été descendue pour al-alamin. Une seule qui a été descendue, c'est-à-dire le premier jour que Allah Azza wa Jal a créé ad-dunya, jusqu'au dernier jour, les gens profitent de cette rahma-là. C'est-à-dire que c'est Hajib Jiddan, avec toute l'humanité qui est passée, le nombre d'habitants que ad-dunya va avoir, malgré cela, ça leur suffit cette rahma-là. Donc, il n'y a que dire des 99 rahmas qu'Allah Azza wa Jal a réservé en plus à une partie. Et c'est ma'loum, yani, Ahlul Jannah, ils sont aqal, mais Ahlul Nar. Ahlul Nar, ils sont akthar. Donc, ça montre, yani, que ça va être inimaginable. Yani, Ahlul Jannah, ils seront fait rahma, c'est inimaginable. Ça nous montre bien ce qu'ont évoqué les ulama par rapport à Ar-Rahman ou Ar-Rahim. Que Ar-Rahman, c'est une rahma qui est wasi'a, qui touche tout le monde, comme dans le hadith. Et Ar-Rahim, c'est une rahma qui est quoi? Qui est wasila, qui est khassa bi al-mu'minin. Qala rahimahullah, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ensuite, il a continué, il a poursuivi cela après le basmala. Par le sana ala Allah azza wa jalla, فقال الحمد لله رب العالمين. يعني حمد الله سبحانه وتعالى بما يحق. وبما يستحق سبحانه وتعالى. Il a fait la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا كذلك c'est important. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on lui fasse la louange. C'est pour ça que Amara, يعني في كتابه, la première des choses qu'on retrouve dans le mushaf, et la première des choses qu'on répète dans chaque prière, c'est la louange d'Allah azza wa jal. فنقول الحمد لله رب العالمين. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime être loué de ce bienfait qu'il a donné à l'alamin. فامتثالا, en se soumettant à cet ordre-là, qui est de dire Alhamdulillah, qui est subhanahu wa ta'ala, qu'on est Alhamdulillah, yani dit Alhamdulillah, loue Allah subhanahu wa ta'ala, fa kadhalika huwa, il s'est soumis, et il a fait la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et fait l'éloge. Qal Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Qal wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad. Salatullahi ala nabiyyina Muhammad, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque combien fil mala'i al-a'la, et dans la grande assemblée, la plus haute assemblée, qui est l'assemblée des malaïkas, de ceux qui sont auprès de lui, comme l'a évoqué l'imam Abu Aliyah, et c'est l'imam al-Bukhari qui l'a évoqué dans son sahih, que salatullahi ala nabiyyihi, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'évoque en bien inda al-mala'i al-a'la, et auprès de la plus grande et la plus haute des assemblées, l'assemblée des malaïkas, ceux qui sont près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam, c'est-à-dire que qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'épargne. Yani que yada alayhi as-salam. Toute chose qui est dit en mauvais sur le prophète alayhi sallatu wassalam, min al-kadhib wa min as-sab wa ila akhirih, fa Allah subhanahu wa ta'ala yani il épargne de cette chose-là. Yani ça fait que ça l'affecte pas, ça le touche pas. Au fil haqiqa, ça revient à ces personnes-là. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te déteste, yani c'est celui-là, yani dont son affaire sera maqtou'a, c'est-à-dire qu'elle sera rompue. Les gens ne vont pas l'évoquer, ils vont l'oublier. Ou si jamais ils vont l'évoquer en mal. Amen Nabi sallallahu alayhi wa sallam va être évoqué en bien. Fa salamullahi alayhi, c'est il épargne de ces choses-là. Yani des mauvaises paroles et des mauvaises choses qui sont dites sur lui. وبارك على نبينا سسي أجوتي أما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها قال إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالله سبحانه وتعالى évoque deux choses الصلاة il nous a demandé de prier sur lui c'est à dire évoquer الصلاة عليه والسلام أما وبارك سسي نجو إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك سسي نجو. On va pas dire de lui, lakin, peut-être de ceux qu'ils ont retranscrit le usul al-sitta parmi ses élèves ou bien parmi les générations qu'ils ont suivies. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad, al-nabi ma'ruf, c'est celui qui a été envoyé afin de transmettre le message. Comme on a pu le voir, il y a une différence entre al-nabi et rasul. Al-nabi, c'est celui qui est envoyé avec un message. Et il a envoyé un peuple qui ne vaut pas d'adversité. Et qui est en accord avec lui, et en accord yani, avec la chose vers laquelle il appelle. Laquelle tu vas trouver dedans des personnes qui sont mauvaises. Yani. Ce n'est pas pour autant que tous sont des anges, yani, comme on dit, que tous ce ne sont des personnes qui sont parfaites. La majorité de ces personnes-là sont prêts à accueillir son message. Qal wa ala alihi. Le mourad, lorsqu'il dit wa alihi, et ensuite il évoque wa sahbihi, wa alihi bimana, c'est la famille. La famille du prophète. Alayhi sallatu wassalam. Si jamais maintenant on dit wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi, et on se tait, là ça englobe la famille et kadhalika ceux qui l'ont suivi. Parce que elle fi al-lugha al-arabiyya, elle a un sens qui est beaucoup plus large que la famille. Elle a le sens de celui al-atba', ceux qui le suivent. Donc ceux qui suivent une personne. Fa maintenant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله يدي dans ce verset là, ويوم تقوم الساعة, et le jour où تقوم الساعة, يوم القيامة, أدخلوا آل فرعون, faites entrer آل فرعون. Est-ce que le مراد faites entrer آل فرعون c'est la famille de فرعون فقط؟ لا, le مراد بذلك c'est tous ceux qui ont suivi فرعون. Adkhilu ala Fir'aun, et faites entrer ceux qui ont suivi Fir'aun, achad al-hazab, dans le châtiment le plus avélissant. Et ce qui nous permet de bien comprendre cela, que Al-Al, ce qui est voulu dans la ayah, c'est Al-Atba'a. Allah Azza wa Jalla, dans un autre verset, il dit يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ قَالَ يَقْدُمُ قَوْمَهُ أي فرعون يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ il va les faire rentrer en enfer. Il a dit son peuple تَمْ يَقْدُمُ قَوْمَهُ. On nous dit que la ayah وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ آلَ فِرْعَوْنَ بِمَعْنَى الْقَوْمِ ceux qui l'ont suivi, son peuple qui l'ont suivi dans l'égarement. Lakin là, ce qu'il voulait ici, c'est Al-Ahl. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué après Wasahbihi, ses compagnons. Donc là, ce qu'il voulait ici, c'est la famille du prophète, alayhi sallatou salam, et c'est ceux dont As-Sadaqa l'imam Nuha alayhim. Ils n'ont pas le droit de manger As-Sadaqa, l'imam c'est min Awsakh al-Nas. Ça fait partie des souillures des gens. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'il fait Sadaqa, le but de Sadaqa, c'est de se purifier. Lorsque, mathalan, il donne une Sadaqa, c'est-à-dire qu'il a eu l'intention par ce don-là, de se purifier d'une chose, de se purifier d'un péché. Lorsque on dit yani tabarra'a bis-sadaqa bima'na nawa bidhalika, il a fait un péché, il veut se rattraper. Comme par rapport au hadith wa atbihi as-sayyi'at al-hasana tamhuha, fait suivre yani une mauvaise action par une bonne action, elle va l'effacer. C'est min hadha al-bab fa alladhi yatasaddaq, parce qu'il faut comprendre yani Cheikh Al-Asami rahimahullah, il évoque yani que les dons dans l'islam, il y a plusieurs catégories. Lorsqu'on dit une sadaqa, généralement c'est pour dire un don. Mais fil haqiqa, une sadaqa c'est spécifique au don que tu vas faire afin de faire suivre une bonne action ou une mauvaise, de faire suivre à la mauvaise action une bonne action. Aïe sadaqa. Par rapport à l'ayah, qu'on subhanahu wa ta'ala, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة. Fait l'évoquer que cette sadaqa là qui est zaka, c'est qu'elle purifie. Elle purifie des péchés. Fait ça nous montre bien la bonne compréhension par rapport à la sadaqa, que c'est une chose qui est donnée dans le but de se purifier. Al-Muhim al-Sadaqa, pour revenir à la famille du prophète, c'est ceux dont qui n'acceptent pas al-Sadaqa. Mais si jamais tu donnes une hadiya à l'Ahl al-Bayt, comme à des gens qui font partie de la famille du prophète, hatta dans notre époque, tu veux y aller lui faire un ikram. Et tu veux faire ce don-là. Ça, c'est min bab al-hadiyya. Wa al-hadiyya kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqbal al-hadiyya. Pourquoi? Parce que l'intention, elle est différente. Amma al-sadaqa fa kana la ya'kuluha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit kakhin kakhin. Inna la na'kul al-sadaqa. Wa fi riwaya hiya min asrakh al-nas. Ça fait partie des souillures des gens, c'est-à-dire des péchés dans lesquels il veut s'expier, yani, se purifier. Fa ahlu nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui n'acceptent pas et qui ne mangent pas as-sadaqa. Qala wa sahbihi, ses compagnons, c'est ceux qui l'ont suivi, qui l'ont cru en lui. Kama qala al-ulama man laqiya nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bi wa mata alayh. C'est celui qui a rencontré le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, même si jamais il lui a pas parlé, c'est-à-dire le fait qu'il l'a seulement rencontré, il l'a vu. ولو كان مثلا لحظه يعني دقيقه من حياتي une minute ou une seconde il l'a vu لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. Il a eu foi au message du prophète صلوات الله وسلامه عليه ومات على ذلك. Il est mort sur cela. ولو تخللت منه ردة, c'est-à-dire que si jamais, même si entre temps et entre la mort du prophète صلوات الله وسلامه عليه, ou plutôt entre le fait où il l'a vu et le moment où il est mort, il est revenu مثلا في الردة, il est revenu في الكفر. Il a cru, il a vu le prophète alayhi sallatou salam, il a cru en lui, ensuite il est retourné dans le kufr, et ensuite avant de mourir Allah subhanahu wa ta'ala waffaqahu li tawba, fait il est revenu à l'islam. Est-ce que cette personne là, on peut dire que c'est un sahabi? C'est toujours un sahabi. Et l'exemple par rapport à cela, c'est le Qais ibn al-Ashhath. Enfin, cette personne-là a cru au prophète, il l'a vu. Et ensuite, le prophète, il est mort, alayhi sallatou salam. Et après sa mort, il est revenu sur al-kufr. Je crois qu'il est revenu dans le christianisme. Et ensuite, Abu Bakr, nasahahu, il a fait nasiha, il est revenu dans l'islam. Et il est mort sur l'islam. Et ça fait toujours de lui un sahabi. C'est celui qui l'a rencontré, qui a rencontré le prophète, qui a cru en lui et qui est mort sur cela. Même si entre-temps, il a eu une apostasie. قال وعلى صحبه أجمعين. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام الدعوة الإسلامية وحامي حماة ملة الحنفية. Donc ça, ça montre que c'est cette parole-là, ce qu'on vient de lire à l'instant, Alhamdulillah Rabbil Alamin l'akhiri, c'est pas la parole de Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, parce que ce ne serait pas permis de se vanter de cette sorte-là, de dire que c'est imam al-dawa, que tu vois, c'est impossible. Il est modeste. Donc ça montre, c'est ceux qui sont venus derrière, qui ont husn al-dhan bihi. Et c'est même pas al-bayan al-waqi', c'est-à-dire que c'est vraiment un imam fi da'wa al-islamiyya. Il a été une cause du redressement de la mamlaka après qu'il y avait des al-qubur kanat tu'bad fi al-jazira. Fa il est venu avec le tawhid et Allah subhanahu wa ta'ala il a waffaq min haythu, il lui a donné da'wa fi ad-din, c'est-à-dire la science, et kadha lesquels lui a donné shajara. C'est-à-dire qu'il a combattu. Des fois, ils évoquaient, même au début, ils ont fait un djihad, ils étaient sept. Je me rappelle bien de sa biographie. Ils sont partis faire un djihad, ils étaient sept. Il y en a mouahid, lakin. Sept mouahid, naam. Et ils ont combattu ce village-là, qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, lakin. Biquwat al-tawhid, ils ont. Wa biquwat Allah azza wa jal, ils ont terrassés. Ils sont tous revenus, les sept. Ils sont tous revenus, les sept. Comment ça s'appelle, vivants. Il n'y en a pas un d'eux qui est mort dans ce combat-là. Ça, c'était pas sa parole, mais la parole de ceux qui sont venus après lui. Tam. Qala, rahimahullah, qala min ajab al-ujab. Wa akbar al-ayati adallati ala kudrati al-malik al-ghallab. Sittatu usulin bayanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil-awam. Fauqa ma yadhun al-dhannun. Thumma ba'da thalika ghalita fiha kathir min athkiya al-alam. Wa uqala ibani Adam. إلا أقل القليل فهو نال في المقدمة رحمه الله تعالى بين هذه الأصول الستة في المقدمة un prélude pour expliquer un peu pourquoi elle a voulu écrire ces six fondements-là. ما هو الباعث, quel est le déclencheur, qu'est-ce qui a fait qu'il a écrit cette الرسالة là. فإلا évoquer رحمه الله تعالى que c'est un من أعجب العجاب, parmi les choses qui sont vraiment étonnantes. قال وأكبر الآية الدالة على قدرة الملك الغلاب. Et parmi les plus grands signes qui montrent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, الملك بمعنى c'est le souverain, والغلاب c'est celui qui prend le dessus sur la chose, يعني celui qui triomphe comme on l'a évoqué ici. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. فالله سبحانه وتعالى comme on a pu le voir, comment on reconnaît Allah عز وجل, comme on a pu le voir avec le dans le wajibat, Allah subhanahu wa ta'ala yu'araf bi ayatihi. Comme on a pu voir, idha qila kaman rabbuk, qui est ton seigneur, faqul rabbi Allah. Si on te demande bima araft Allah, comment tu reconnais Allah, bi ayatihi. Et on a pu voir les ayat, elles se divisent en deux. Al ayat al kawniya, kashams wa al qamar wa al layl wa al nahar wa ila akhirihi, parmi la création qui montre que vraiment que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le créateur. Et كذلك الايه الشرعيه, c'est-à-dire les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, qui est le plus grand des signes qui montre la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce Coran là c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tahadda afsah al-arab, il a mis au défi les éloquents parmi les arabes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, de ramener un verset équivalent au Coran ou bien 10 versets équivalents au Coran. Ils n'ont pas pu, malgré cela. Certains ont essayé. Comment? Excusez-moi, je t'en prie. Vas-y, t'en prie. Je voulais savoir, ça veut dire quoi quand tu dis un verset équivalent? C'est dans le sens de. Dans. De poésie dedans et de. Dans la. Dans tout. Dans tout. Dans l'éloquence. Dans le comment t'as dit, comme t'as dit Kadalik, par rapport à poésie, dans les sens, surtout c'est le sens, tu vois, qui montre, il y en a vraiment que c'est une ayah, il y en a ramené une ayah équivalente dans le ma'ani, dans les sens, dans al-balara, l'éloquence, dans la beauté, si jamais ils sont capables de faire ça, ils n'ont pas été capables, surtout dans les sens, tu vois, surtout dans les sens, enfin, ils n'ont pas pu. Moussaïlim al-Kadhdhab, il a essayé, il a ramené des choses, il y a une fadiha, les essais d'Arnaud en Coran, c'était une fadiha. Tu lis, tu rigoles. Tu sais directement à la première lettre que ce n'est pas la parole d'Allah. Toi, même si jamais la personne n'allait pas le Coran, tu vas lire, tu vas dire, c'est pas possible. Toi, c'est pas possible. Et il a évoqué l'imam Ibn Kathir, il y en a certains des versets. Parmi ceux-là, il disait, Wal-Khabizat et Khabza, il y a des trucs vraiment. A'udhu Billah. Wal-Khabizat et Khabza, ça veut dire quoi? Al-Khabizat, ça veut dire celles qui font du pain. En gros, il jure. Il a prétendu à Al-Kazab, alayhi na'atullah. Il a prétendu que Allah Azza wa Jalla l'a juré par celles qui font du pain. Subhanallah, yani. Oui, il est venu avec des choses qui sont hajibah. Donc, si tu veux, on va évoquer certaines des choses qu'il a évoquées l'imam Ibn Kathir. Donc, subhanahu wa ta'ala, faman azzamu mimman iftara ala Allah kiziban, ou kazzaba bi ayatihi, innahu la yiflihu al-mujrimun. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ما قطع الآية فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون et qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala qui forge un mensonge sur Allah azza wa jalla ou bien qui dément c'est les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala إنه لا يفلح المجرمون فالمجرم إن الله عز وجل ne lui donne pas la réussite donc ensuite il évoque voilà que personne ne peut yani évoquer un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il soit dévoilé ensuite il évoque la qissa de Musaylima, فقال أما مسيلمة فمن شهده من ذوي البصائر وعلم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة وفعله غير حسنة بل قبيحة. Il dit par rapport à Musaylima, ceux qui ont pu voir et yani connaître son affaire parmi Ahl al-Basair, ceux qui ont yani de la science et qui ont un esprit qui est éveillé, ils ont pu se rendre compte que ce qu'il a ramené c'est des aqwal qui sont rakika, qui sont fragiles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sens, qui ne tiennent pas debout. Allatili sabbi fasiha, qui n'est pas fasiha, il n'y a pas d'éloquence dans cela. Bal qabiha. Qala. Ensuite, il a évoqué, bien parmi son Coran, ce qu'il a évoqué, il a prétendu. Qala Musaylima, qabbahahu Allah wa lahana. Qala ya dafda' bintu dafda'in. Dafda'. Dafda', c'est la grenouille. Fait lui, il a commencé, il a dit, Allah a révélé un Coran. Sur moi, qui commence par quoi? Il y a Dafda, bintu Dafda'in, ou grenouille, la fille de deux grenouilles. Yani, si tu veux revenir, yani, nastahi hatta ma tuhaji, mashallah. Ou le fil, ou ma adara kama le fil. Lahu zulqu muntawil. A'oudou billah. Le fil, et qui te dira quel est le fil? Lahu zulqu muntawil. Azulkum, je pense que c'est la trompe. Elle file au madra comme elle file, la huzulkum montawil. Il a prétendu que c'est la parole d'Allah. Il a fait une dahasori. Wa qala abhadahu Allah min rahmati. Qu'Allah l'éloigne de sa rahma. Ça, c'est la parole de Ibn Kathir. Wal ajinati ajna. Wal khabizati khabza. Wal laqimati luqma. C'est ajib. Wal ajinati ajna. Al ajina, c'est celles qui font du pain, qui font la pâte. Wal khabizati khabza. Ce qui fait le khubz. C'est-à-dire celle qu'il mange. La parole d'Allah, on la reconnaît par quoi? C'est-à-dire par le Coran. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand signe. Qui montre qu'Allah, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette parole-là, c'est une parole de haq, et que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahonahoua, il s'est étonné. À travers le kitab d'Allah, qui est une grande aïe, qui est un grand signe, qui montre que cette parole-là, c'est la parole d'Allah et Azza wa Jal, et qui est d'une telle facilité aussi qu'à la compréhension, qu'il m'a dit subhanahu wa ta'ala, wa l'qad yassana al-Qur'an al-dhikri fa hal min mudakkir. Fait lui, il s'étonne. Avec l'éloquence qu'il y a dans le kitab et la facilité à le comprendre, que ces personnes-là peuvent venir et prétendre y aller l'inverse des usul qu'il va citer. Fa ta'ajjaba. Ta'ajjaba. Et kazalika, ça montre. Parce que si jamais c'est aussi simple pour celui qui a Allah Azza wa Jal lui a donné tawfiq, il lui a donné un cœur qui est sain. Parce qu'il se dit, subhanallah, c'est tellement simple. C'est simple. Yani, comment ils peuvent se permettre de dire que c'est pas du shirk? Ça montre aussi que celui dont Allah veut, le fait comprendre. Et celui dont Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, il ne le fait pas comprendre. Ça montre, comme il a dit, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il est capable de ne pas faire comprendre à des gens des choses qui sont totalement limpides, qui sont wadiha jiddan, clairs comme l'eau. Malgré cela, ils n'arrivent pas à les comprendre. Fahoua, yani, par rapport à ces usul qu'il a cités, et la adilla qui sont en rapport à ces usul-là, qui sont tellement simples, d'une simplicité, et ces personnes-là n'arrivent pas à les comprendre malgré cela, il dit, là, ça montre la puissance d'Allah. Car dans ce printemps Allah, qui il veut, il couvre son cœur et il ferme les yeux. Et ça nous montre aussi que dans les cas que la personne, il doit revenir à Allah, Azza wa Jalla. Lorsqu'il voit cela, il donne, il fait dua. Alhamdulillah, il a dit, عَفَانَ مِمَّا ابْتَلَاكَ فِي وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقَ تَفْضِيلًا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يُسِبْهُ. Celui qui dit cette dua-là, il ne sera pas, affecté par cette maladie-là, qui est la maladie des cœurs. Ou bien la maladie, il y a d'une personne, مثلا, qui est malade, qui a la lèpre ou ceci, cela. Que ce soit la maladie dans le cœur ou la maladie dans les al-jawarih, dans les membres. Et la plus grande des maladies, c'est la maladie des cœurs. Qu'Allah Azza wa Jalla couvre son cœur, c'est-à-dire la personne qui est mubtadi', la personne qui est kafir, la personne qui est zindiq, ar-rawafid al-akhiri, quand tu les vois dans cet égarement-là qui est wadih jiddan, fatahmadullah Azza wa Jalla et tu fais cette dua-là, afin que tu sois épargné de rentrer dans cet égarement-là, parce que tu te dis, fil haqiqa, c'est que Allah et ces personnes-là avaient dans le cœur des choses dont Allah Azza wa Jalla a fait que voilà, il a effacé leur cœur. Ils n'ont plus de cœur. Ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus de vue, ils n'ont plus de. Ils ont plus d'huile, ils ont. Oulaïka kal an'am balhum adad, comme a dit subhanahu wa ta'ala. Oulaïka humu ghafilun. Ils sont tels à des animaux. Ils ne comprennent pas. Balhum adal. Fait d'être quelqu'un, ta'adjabah wa rahimahullah. Parce qu'il se dit, l'égarement de ces personnes-là, subhanallah, ça montre que Allah Azza wa Jalla a voulu vraiment les égarer parce que c'est tellement simple. C'est au sol là les comprendre. En plus, vous prétendez être des hommes, des gens de science. Ben là, ça montre vraiment que vos cœurs ont été scellés. Naam. Fait ta'adjabah min dalika. قال ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أسكى العالم. Et avec ces usul-là qui sont واضحة, tu vois que c'est certaines personnes qui se prétendent comme intelligents. وعقلاء كما قال هو رحمه الله من بني آدم. Ils ne comprennent pas cela. إلا أقل القليل. Il y a un nombre qui est vraiment la minorité. Des choses dans les awam peuvent les comprendre. Ces personnes-là qui prétendent la science, qui prétendent être des personnes intelligentes et l'akhiri, ils n'arrivent pas à comprendre ces choses-là. C'est pour ça qu'il a écrit. Parce qu'il a dit, c'est dangereux si jamais des personnes qui prétendent la science ne comprennent pas ces choses-là, et c'est eux qui sont les ulama, c'est eux qui appellent au din, donc on se doit de faire un bayan, d'exposer, et de montrer comme l'égarement de ces personnes-là, et de montrer aussi la vérité. D'éclaircir la vérité et d'éclaircir l'égarement de ces personnes-là, afin que les gens puissent prendre la vérité et délaisser les gens qui les appellent à l'égarement. Donc ça c'est la muqaddima. La muqaddima c'est la préface de cette rishalala. Il a montré dans cela pourquoi il a écrit cette rishalala. Rahimahullahu ta'ala. Je pense que inshallah le waqt il est qad atteint. Nasallahu azza wa jal. An yanfa'ana wa iyyaka bima sami'na.